Les jumeaux du Devonshire par Saint-Ine. Vous prétendez, monsieur, qu'une conviction politique est indispensable à tout homme bien conformé qui veut mériter le titre de bon citoyen. Pardon, j'admets la nécessité des convictions morales. Pour la politique, pas plus que pour la littérature, je n'en reconnais l'indispensabilité. Depuis que je crois avoir l'âge de raison, j'ai vu défiler devant moi les libéraux, les bonapartistes, les monarchistes purs, les républicains, les doctrinaires, les parlementaires, de même les classiques et les romantiques. En ce moment, je regarde passer les fantaisistes et les réalistes. De l'un et de l'autre côté, parmi les poètes, les artistes, comme parmi les hommes aux grandes théories gouvernementales, j'ai compté, je compte, d'excellents camarades et même de bons amis, sans m'être jamais enrôlé sous leur bannière ou sous leur drapeau. Chez les uns et chez les autres, comme dans tout ce qui passionne l'humanité, j'ai vu certains mélanges de bien et de mal, des idées raisonnables conduisant à des actes excessifs, quelque chose d'incertain, de movible, de transitoire. Je me suis abstenu, je ne m'en repens pas, j'ai conservé mes amis. Cher monsieur, laissons là de côté la question littéraire, elle est sans importance. Mais la France est aujourd'hui partagée en deux camps, et toute abstention, je le maintiens, est un crime de lèse-patrie. C'était là, du reste, l'opinion des anciens et celle de Caton en particulier. C'est là aussi l'opinion de mon journal, monsieur. Journal essentiellement politique, il est vrai. Aussi suis-je vraiment désolé d'être tout à la fois en opposition avec vous, avec les anciens, avec Caton et avec mon journal. Mais je vous le répète, j'ai des affections sincères dans ces deux camps dont vous parlez. Et pour une conviction politique qui ne m'est pas venue encore, je ne sais pourquoi j'irai me brouiller avec une moitié de mes amis. Crainte puérile, cher monsieur. La politique n'a jamais éloigné de nous que les faux amis. On diffère d'opinion sur un point, on ne se retrouve qu'avec plus de plaisir sur tous les autres. Ce témoignage de force et d'indépendance mutuelle fait qu'on s'en estime mieux. Et qu'est-ce que l'amitié sans l'estime ? Je pourrais vous en citer mille preuves. Tenez, en Angleterre, le pays dont nous avons tiré tant et de si bonnes choses en industrie comme en politique. N'entendez-vous pas, tous les jours, en plein Parlement, un membre de l'opposition dire, mon honorable ami, en parlant du ministre auquel il fait politiquement une guerre acharnée, et le ministre de lui répondre, mon savant ami, tout en essayant de lui prouver qu'il n'a pas le sens commun sur le point qui les divise. Eh bien, mon Dieu, cela les empêche-t-il de faire le soir leur partie de whist ou de dîner ensemble chez le Lord Maire? Autre exemple, plus concluant encore. Dans toutes les grandes familles, même dans les familles royales, il y a un père conservateur ou tory, tandis que le fils se déclare hautement whig et même radical. S'en aime-t-il moins? Non, non, cher monsieur. À l'égard de nos vrais amis, la couleur de nos opinions n'a pas plus d'influence que celle de nos cheveux. On a des amis blonds, on en a de bruns, qu'importe à la chose. Je dirais plus, ces alliances d'un parti à l'autre ont leur côté utilitaire dans les temps de grande conflagration. Me comprenez-vous? Parfaitement. Alors, vous voilà convaincu? Pas le moins du monde. Eh bien, lisez l'ouvrage du célèbre Chesterfield. À quoi bon? J'ai lu celui de l'illustre Dwisleston. Ah, et qu'est-ce que ce Dwisleston? Un philosophe anglais comme Chesterfield, et qui mérite peut-être plus de confiance que celui-ci, car sa morale n'est pas celle d'un maître de danse. Dwisleston, savant littérateur, florissait sous les derniers Stuarts. Malheureusement, ses écrits ne sont pas parvenus jusqu'à nous, à l'exception d'un seul. Cette production unique suffit à ma cause. C'est une simple historiette et je vais avoir l'honneur de vous la raconter, si ces dames le permettent. Mon antagoniste, un excellent homme du reste, fit la grimace. Mais les dames étaient en majorité, et le mot historiette leur fit acclamer ma proposition. Je me hâtai d'entamer mon récit. Dans une des petites bourgades du Devonshire, sous le règne de Jacques Ier, certaines grandes dames, riches et de bon renom, mit au monde deux enfants jumeaux de sexe masculin. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ces enfants, quoique d'ailleurs parfaitement conformés dans leur taille, se trouvaient attachés, reliés l'un à l'autre par une prolongation extérieure des ligaments intercostaux. La nature les condamnait par avance et à perpétuité à passer leur vie dans une dépendance mutuelle, comme nous avons vu de nos jours Rita et Christina, les jumeaux siamois, et toute cette série d'êtres doubles, classés par Geoffroy Saint-Hilaire sous cette effrayante appellation « monstruosité ». Je le répète cependant, nos deux malheureux jumeaux, par la régularité normale de leurs organes et même de leurs traits, pouvaient passer pour d'agréables monstres. Les médecins du pays n'en déclarèrent pas moins à l'unanimité, vu le cas tératologique, que les pauvres innocents ne pouvaient jouir d'un mois d'existence. Déjà même, à ce qu'assure le savant Dwelleston, tous les apothicaires de l'endroit se disputaient l'honneur d'en orner la devanture de leur boutique dans un superbe bocal d'esprit de vin. Cependant, trompant les prédictions des honorables médecins et l'espérance de messieurs les apothicaires, ils vécurent. Enfants, leur mère les fit puiser ensemble à la double source de la force et de la santé. Adolescents, les mêmes maîtres leur prodiguèrent la nourriture du cœur et celle de l'esprit. Ils croissaient en âge, en savoir, et par leur goût, leurs travaux, leurs plaisirs, semblaient être encore plus unis que par les liens que la nature avait imposés à leur corps. Le temps des passions vint les mettre à l'épreuve et les trouva inébranlables dans leur affection réciproque. La même femme les avait charmés. Leur double rivalité ne fit qu'accroître leur tendresse fraternelle, car aucun d'eux ne pouvait espérer d'être heureux tout seul. L'amant favorisé eût toujours été nécessairement gêné par un tiers. La soif même des honneurs et des richesses pouvait-elle établir une rivalité entre eux? Ils devaient habiter le même palais ou la même chaumière, et l'un d'eux, possesseur d'un trône, eût été contraint d'y faire asseoir son frère auprès de lui. Ils vivaient donc dans cette douce intimité, par cette double existence qui anime, qui embellit tout, qui supplée à tout. Les mêmes pensées faisaient écho dans leur tête, comme les mêmes sentiments dans leur cœur. La jalousie, l'amour, l'envie, l'ambition, ces bourreaux éternels des autres hommes, semblaient avoir perdu leur dard et leur venin auprès d'eux. Une idée politique vint les occuper un instant, et le bonheur de s'aimer, de s'entendre, de vivre dans un autre soi-même, tout fut détruit à jamais. Jusque-là, John et William, les héros de ce récit véridique, avaient aimé leur pays sans s'inquiéter de la façon dont on le gouvernait. Mais la politique est un hôte envahisseur. Le côté droit ou gauche que l'on occupe, la fleur dont on respire les parfums, le vêtement dont on se pare, tout vous jette sur son terrain et sous sa dépendance par cette espèce de droit de main morte qu'elle exerce depuis tant de siècles. John et William, donc, un certain jour, sentant le besoin de renouveler leur coiffure qui avait fait son temps, mandèrent leur chapelier. Celui-ci leur présenta des chapeaux de deux sortes, les uns à tête ronde et les autres en cône renversée, appelés alors coiffure à la Jacques. John, sans autre motif que le caprice de son goût et par le désir de suivre une mode nouvelle, choisit un chapeau à tête ronde, comptant que son frère allait l'imiter. William, peu porté aux modes nouvelles, se contenta d'un Jacques comme par devant. L'homme raisonnable, dit-il à John, attend qu'une mode soit établie avant de l'adopter. J'ai vu porter de ces chapeaux, répondit John en désignant le sien, aux plus honnêtes bourgeois de la cité, ainsi qu'à un grand nombre de baronnets. Mon frère, les habitudes de notre corps touchent de plus près que vous ne le pensez à celles de notre esprit. Craignez de contracter, sans vous en douter, le besoin du changement. Eh, mon frère, ne consultons chacun que notre goût. Je prends un de ces feutres ronds. Ils sont fort recherchés, dit aussitôt le chapelier en présentant à John l'un des plus élégants, qu'il venait de brosser avec soin. Tous les partisans du Parlement n'en ont plus d'autres. Vous voilà donc parlementaire, mon frère? Pourquoi pas, William? Le Parlement est un corps respectable et que tout véritable Anglais doit honorer. William ne répondit rien et choisit un Jacques que le marchand lui garantit être du meilleur ton et fort en usage à la cour. Vous voilà donc homme de cour, mon frère? Dit John. Cette petite querelle de toilette les amena insensiblement et sans qu'ils s'en doutassent, sur le sol périlleux et mouvant de la politique. S'escrimant pour la première fois dans un langage étranger à chacun d'eux, leur discussion prit d'autant plus facilement un ton d'aigreur et d'animosité que, complètement inexpérimentés l'un et l'autre sur ce nouveau terrain, force leur fut de soutenir leur opinion plus par la passion que par le raisonnement. Tous deux, la tête couverte du fatal sujet de leur discorde, il leur était difficile de se regarder sans trouver un motif pour remettre en avant quelque argument oublié. Ils s'argumentèrent tant et si bien que William, sans ébranler l'opinion naissante de son frère, qui l'écoutait à peine, finit par se rendre lui-même à ses propres raisons. John se prit ainsi que lui à sa propre éloquence, et pénétré des obligations que devait lui avoir le Parlement pour une aussi sublime défense de ses droits et de ses principes, il s'attacha à ce corps célèbre, comme un avocat à son client, un bienfaiteur à son obligé. Le démon de la politique, une fois éveillé, tout l'enfer est en branle. Les deux jumeaux avaient professé jusqu'alors une religion sincère et tolérante. À la longue, le fanatisme s'empara de leur cœur. John devint ardent presbytérien, et le candélabre d'or s'alluma pour lui comme la torche des Euménides. William se convertit doucement au catholicisme par haine pour les Whigs, qui tous professaient la religion réformée. Un prêtre romain le vint voir et lui donna ses secours spirituels devant John, qui, bien qu'il se boucha les oreilles et les yeux, fut contraint, par l'effet de leur conformation bizarre, d'assister, témoin indigné, à ce qu'il nommait les impiétés du Moabite. Comme toutes les âmes faibles, chacun d'eux se crut bientôt forcé de défendre les excès de son parti. William, après avoir tressailli d'horreur au récit du massacre des Anglais protestants par les Irlandais catholiques, finit par l'approuver hautement. John, à son tour, osa donner des louanges à la conduite infâme des Écossais qui livrèrent aux fureurs du Parlement l'infortuné roi Charles Stuart. Devenus étrangers l'un à l'autre, ils n'eurent plus de lien commun que ce maudit prolongement intercostal qui les enchaînait malgré eux. Leur maison s'était transformée en un club ouvert aux deux sectes. John n'accueillit plus que les têtes rondes, les Whigs, les parlementaires. William fit sa société intime des catholiques et des royalistes. Un jour, les deux parties se trouvant en présence chez eux, on en vint aux voies de fait. Nos jumeaux ne restèrent point dans l'inaction. Frappé par John d'un coup de coude, William tomba sur le plancher et nécessairement entraîna son frère dans sa chute. Saisis tous deux de la même inspiration, ils maudirent aussitôt un chirurgien, non pour panser de légères contusions qu'ils avaient reçues en tombant, mais pour opérer une scission définitive entre eux. Une visible séparation de corps qui put rendre à chacun sa liberté de mouvement, c'est-à-dire la possibilité de se fuir. Ils préféraient subir les chances d'une opération pénible et dangereuse à être sans cesse face à face, côte à côte, avec l'ennemi de leur foi politique et religieuse. Des praticiens très expérimentés, après une longue consultation, déclarèrent unanimement cette union corporelle indissoluble. Une grosse artère dont la ligature était impraticable traversait ce lien de chair commun à tous deux. Il leur fallait rester inséparables sous peine de mort. Cependant, l'attente d'un événement inouï remplissait l'Angleterre de terreur. Le roi Charles Ier allait paraître devant les juges de Westminster. William tomba dans une profonde tristesse. Le monde lui devint odieux. Enfin, possédé de cette maladie terrible que les insulaires d'outre-Manche appellent le diable bleu ou le spleen, il résolut de mettre fin à ses jours. Mais il ne pouvait se pendre ni se noyer sans l'assentiment de son frère. Il s'empoisonna. Depuis longtemps, aucune parole n'avait été échangée entre eux. Lorsqu'un jour, John, après un repas auquel William seul avait participé, se sentit tourmenté de douleur et de déchirement d'entrailles. Son médecin presbytérien accourut et lui dit « Une heure de relevé vient de sonner. Sans doute quelque substance vénéneuse se sera trouvée parmi vos aliments dans le repas que vous venez de faire. » « Je n'ai fait aucun repas, » répondit John, saisi d'effroi. « Par ordre du Parlement et en bon citoyen, j'ai jeûné au profit de l'État. » Les débris du dîner de William étaient encore sur la table. Le médecin y jeta un coup d'œil et s'écria « Votre frère s'est empoisonné. Cette maudite artère commune vous joue ce tour affreux en vous communiquant les effets du poison. » John regarda William, qui, pâle et respirant à peine, cherchait à retenir ses mouvements convulsifs afin de ne point être secouru. Il le fut cependant et malgré lui. Le contrepoison administré à l'un réagit sur l'autre et le sauva. L'amour de la vie peu à peu reprit ses droits sur lui, et après une longue maladie, les deux frères, que le malheur et la souffrance n'avaient même pu réconcilier, par ordre de leur médecin, allèrent loin de Londres respirer l'air pur de la campagne dans une petite habitation qu'ils possédaient sur les bords de la Saverne auprès des murs de Worcester. Jamais la nature ne nous paraît si belle, jamais l'existence ne nous offre autant de charme que pendant les jours de la convalescence. On aime à se rejeter dans un nouvel avenir. Ce sont de nouveaux projets. C'est une nouvelle vie que l'on recommence, pour ainsi dire, avec toutes les illusions de la première jeunesse. Il n'en était pas absolument ainsi de notre Whig et de notre Tory, et cependant, à l'insu l'un de l'autre, ils revoyaient le soleil avec un plaisir, un attendrissement, qui peut-être eussent pu les rendre à la nature et à la sagesse, lorsque des événements imprévus faillirent les replonger dans des excès plus grands encore que les premiers. Pendant le sommeil de William, un Écossais, qui supposait aux deux frères les mêmes opinions politiques, pénètre dans leur appartement et apprend à John, qu'il trouve seul éveillé, que le prince de Galles, fils du roi défunt, venait d'arriver en Écosse, où une armée royaliste s'organisait en sa faveur. Instruit que les magistrats de Worcester eux-mêmes secondent en secret le complot, John se résout à en prévenir le Parlement. William découvre bientôt les intentions du farouche républicain, son éternel compagnon. Effrayé de voir le salut du parti royaliste entre de pareilles mains, ne doutant pas que son frère ne cherchât à anéantir leur dernier espoir sans lui donner le temps d'agir, il s'arme de ce qu'on appelle de l'héroïsme dans les temps de trouble et d'anarchie. Il écrit aussitôt aux magistrats de la ville et leur dénonce son frère. L'étendard royal venait de se lever dans Worcester lorsque l'avis de trahison, signé William, arriva au Grand Conseil. On résolut d'épouvanter les parlementaires par un exemple sévère, et l'ordre fut donné de faire fusiller à l'instant John de Devonshire. William ne s'attendait point à ce brusque dénouement. Il s'efforça de faire comprendre à l'officier chargé de l'exécution qu'il était impossible de tuer son frère sans le tuer lui-même, et il était inconvenant et même impolitique de faire périr un bon Tory catholique pour se débarrasser d'un Whig presbytérien. Il parla 10 minutes encore de son opinion, de ses services, de son artère, de son héroïsme. Mais l'officier avait des ordres, n'entendait rien aux explications et de plus était pressé d'en finir, étant ce jour-là invité à dîner dans une bonne maison de Worcester. Pris dans ses propres filets, William demanda un instant de sursis qu'il obtint à grand-peine. Restés seuls, les deux frères se parlèrent pour la première fois depuis bien longtemps. En entendant la voix du compagnon, de l'ami de son enfance, en contemplant l'image vivante de son père sur ce front que le plomb allait bientôt briser, William sentit toute l'étendue de son héroïsme et l'évidence de son péril. Il pleura. John s'attendrit. Tous deux se regardèrent et se serrèrent la main en signe de pardon mutuel. Ralliés par un danger commun et connaissant tous les détours de leur maison, à la faveur d'une trappe, ils gagnèrent des souterrains immenses qui les conduisirent en pleine campagne. Évitant tour à tour les soldats de Charles II et ceux de Cromwell, ils se sauvèrent enfin et, revenus des passions haineuses, détestant également les partis qui corrompent le cœur, les juges qui condamnent de confiance, les officiers qui fusillent sans rien entendre aux explications, ils achevèrent leur vie comme ils l'avaient commencée, au sein de la nature et de l'amitié. La mort les frappa du même coup. Tous deux, se tenant embrassés et les yeux tournés l'un vers l'autre, ils s'encouragèrent mutuellement à ce moment suprême. Dans la bourgade du Devonshire, lieu de leur naissance et où leur histoire est traditionnelle, sur le tombeau où ils reposent ensemble, on a gravé une multitude de devises, de sentences. J'ai retenu les suivantes. Qui change son costume risque de changer sa vie. Lorsqu'une fois la politique a passé quelque part, tout prend sa livrée. Un ruban, une fleur deviennent emblèmes de révolte ou signes de ralliement. Nos femmes manifestaient leurs opinions politiques jusque dans la manière de poser leur mouche sur le côté Whig ou Tory de leur visage, c'est-à-dire à la gauche ou à la droite. Dans leur préférence pour telle ou telle forme de gouvernement, les hommes consultent leurs intérêts, les femmes leurs affections. L'amour de la patrie est un amour qui trop souvent s'alimente de 1000 haines diverses. On apprécie bien l'égalité que vis-à-vis de ses supérieurs. Pour des milliers d'honnêtes gens, le mot « liberté » signifie simplement « pouvoir absolu ». C'est pour eux la plus exorbitante des prérogatives royales mises à la portée de tous. quelle que soit l'idée qui gouverne, rappelez-vous que toute société humaine a besoin d'une hiérarchie et que ce sont les échelons qui font la solidité de l'échelle. Deux amis, de mœurs et de caractères opposés, se conviennent souvent parfaitement. Deux hommes reliés entre eux par les mêmes habitudes, les mêmes goûts, les mêmes sentiments, risqueront de se haïr si la moindre nuance politique les sépare. Mon récit achevé, ces maximes, dis-je, avaient été extraites sans doute des ouvrages de l'illustre Dwellerstone, ouvrage dont la complète disparition est à jamais regrettable. Dwellerstone terminait son histoire des jumeaux du Devonshire en déclarant qu'il fallait laisser le soin de traiter de la politique aux esprits supérieurs. Il concluait, je conclus avec lui, que ces héros eussent beaucoup mieux fait de s'abstenir. « Accordez, accordez !» s'écria mon antagoniste. Reconnaissons donc à tous les hommes en partie double, à tous les jumeaux soudés l'un à l'autre invinciblement, leur droit d'abstention en fait de politique. On assure que les jumeaux siamois viennent de se marier récemment en Amérique. Je m'en étonne. Ma pudeur même s'en alarme, n'importe. Nous concédons à tous ceux de cette classe le droit de se marier. Ils seront époux, pères de famille, rentiers, propriétaires, mais ils ne seront pas citoyens. « Permettez, permettez !» répliquai-je à mon railleur. « Ne peut-on être un excellent citoyen sans se fanatiser au nom d'un parti, quelquefois d'une faction, sans déclarer la guerre, même à ses parents et à ses amis ?»« Cher monsieur, le pays avant tout. Notre pays est notre plus proche parent et notre meilleur ami. Si jamais la patrie appelle à son aide tous ses enfants pour le triomphe de la sainte cause, si la lutte s'engage, que feront-ils vos hommes sans conviction comme sans entrailles politiques? Ils se tiendront prudemment à l'écart. Non pas, m'écriai-je, ils se jetteront entre les deux parties. De l'un comme de l'autre côté, ils sont repoussés d'abord, insultés, pire que cela peut-être, mais plus tard, fût-ce à leurs dépens, ils auront hâté l'heureux jour de la réconciliation. N'est-ce donc pas là un noble rôle à jouer? Après cette chaude péroraison, je m'attendais à une nouvelle acclamation de la part des dames. Mais depuis longtemps déjà, les dames causaient toilette et chiffon. Mon historiette sur les jumeaux du Devonshire leur avait semblé trop sérieuse, complètement dépourvue d'amour et par conséquent d'intérêt. Ainsi s'achève Les jumeaux du Devonshire, par Saint-Ine.